Ouais. Gars femme là, gars en bas là. Gars marché à femme là, tu veux. Gars d'elle, la gamme. Vite down, a déjà point deux fois pas derrière pour si mon agne sa cousine a versé à tonton à bobé à grand-papa, moi. C'est la philo. Écoutez-moi, don Bab. Conseillez-moi faire soirée Master Green. Allez arriver dans boîte de nuit. Moi bien amusez-moi, c'est problème qu'a trouvé moi. Master Green, matribol, c'est pour gâtiser nos là. Il n'y a pas de talent à deux pouk. Je casse séquestre moi à présent. Biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba, biba. Gap pantalon à deux fouk là, tisan nous là, et garde moi, dis moi, monsieur, l'argent entre l'argent pas bon nous. A quoi point nous devons nous? A dit monsieur, pas vers même, et dis moi, pourquoi vers nous? C'est juste un mauvais moment à passer. Quand me casse des oreilles, c'est bon. A dit monsieur, pas ni bon mauvais moment à passer. Dis moi, ben si c'est ça, nous que bateau, nous que piger. Debout là, là. Nous que mettez ya dans les dos et nous que serré ya bloc. Nous que tout fait. Et nous Master Guna. Master Guna garde moi. Il dit moi ira. Encore gentil pour pas ni monte. Les mandés ou les ou pas faire yo cadeau monte là. A dit oui. Il dit moi moi pas con yo. A déjà train yo ka mal parlé ou. C'est ça même. Antonio Kati, pour nous convoiter après fait là, si on mettait des tuyaux en argent levanta, on peut s'en mon clarinette. Mais, en pas con yo, en cas de vidéo, pour nous payer danser, faites petit canal. Partie ma tribol là, moi j'ai dansé fête petit canal, en mettre moins qu'à danser. Comme c'est fête petit canal, a commencé à descendre même moi dans les canals. Dis-moi, il y a, à pas parce que c'est fête petit canal, pour descendre même comme ça dans les canals. Dis-moi, il y a, est-ce que tu as quoi en réincarnation? Dis oui, beaucoup. Dis-moi si vous devez réincarner, qui ça vous devez réincarner? A dit un casserole. Dis-moi pourquoi un casserole? A dit un casserole là, pas qu'un bec et aille, et pas faute faire ça. Et moi, j'adore ça en pile. Parce que j'ai trouvé ça très agréable.